يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il vous corrige et améliore vos actions, et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ceci étant dit, la plus véridique des paroles est certes celle d'Allah, et la meilleure des voies à suivre est celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la plus mauvaise des choses est celle qui a été inventée, et toute chose inventée est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Ô vous les gens, parmi les noms d'Allah, il y a Al-Haqq, le vrai, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Ceux qui lancent des accusations contre les femmes croyantes et chastes, qui ne pensent même pas à commettre l'adultère, sont maudits ici-bas, tout comme dans l'au-delà. Et ils auront un énorme châtiment le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Ce jour-là, Allah leur donnera leur véritable rétribution, et ils sauront que c'est Allah qui est le vrai, en toute évidence. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون. À ce moment, chaque âme éprouvera les conséquences de ce qu'elle a précédemment accompli, et ils seront ramenés vers Allah, leur vrai maître, et ceux qu'ils auront forgés comme mensonges, leurs idoles, s'éloigneront d'eux. Allah est donc le vrai, et la religion d'Allah est la religion de vérité, et elle est la vérité. Et toutes les autres religions sont vaines. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de vérité, afin qu'elle triomphe sur toutes les autres religions, quelque répulsion qu'en aient les associateurs. Et il a dit subhanahu wa ta'ala: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Et nous avons fait descendre sur toi, ô Muhammad, le livre avec la vérité, confirmant le livre qui était présent avant lui et pour prévaloir sur lui. Allah a donc nommé ce Coran par la vérité. Il a dit subhanahu wa ta'ala: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de vérité, afin qu'elle triomphe sur toutes les autres religions, quelque répulsion qu'en aient les associateurs. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé comme annonciateur et avertisseur avec cette religion de droiture, et il a informé que celui qui aura contredit cette vérité sera considéré comme quelqu'un qui imite les mécréants. Ainsi, le rejet de la vérité et sa désapprobation est une pratique provenant de mécréants et une de leurs habitudes. Et écoute la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Puis des successeurs vinrent après eux, qui héritèrent du livre, et qui préférèrent ce qu'offre la vie d'ici-bas en disant: on nous pardonnera. Et si des choses semblables s'offrent à eux, ils les acceptent. N'avaient-ils pas pris d'eux l'engagement du livre, qu'ils ne diraient sur Allah que la vérité? Ils avaient pourtant étudié ce qui s'y trouve, et l'ultime demeure est meilleure pour ceux qui pratiquent la piété. Ne comprenez-vous donc pas? Et Allah Azza wa Jalla avait pris leur engagement, ainsi que celui de l'ensemble de l'humanité, de ne dire sur Allah que la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya bani Israël, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait par lequel je vous ai comblé, et tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai alors les miens envers vous. Et c'est moi que vous devez redouter. Et croyez à ce que je vais descendre en confirmation de ce qui était déjà avec vous. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix. Et c'est moi que vous devez craindre. Et ne camouflez pas la vérité par le faux. Et ne cachez pas sciemment la vérité. Allah a ainsi informé qu'il rend la vérité confuse et qu'il la cache en toute connaissance. Il a dit Azza wa Jalla, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Et ceux à qui nous avons donné le livre, les juifs et les chrétiens, le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Or, une partie d'entre eux cache la vérité, alors qu'ils la connaissent, la vérité émane de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. Allah subhanahu wa ta'ala a informé qu'il dissimule la vérité sciemment. Et il a ainsi dit subhanahu wa ta'ala, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارَ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقَّ فَعْفُوا وَاسْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Nombreux parmi les gens du livre aimeraient pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru par jalousie de leur part et après que la vérité leur soit manifestée. Pardonnez donc et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement omnipotent. La vérité leur est donc claire et manifeste, mais la jalousie et l'orgueil les a poussés à l'obstination et à la contradiction. Et avec cela, ils voudraient que tout le monde soit comme eux, que tout le monde s'oppose à la vérité. Et c'est en cela que se distingue le croyant du mécréant. Le croyant se soumet à la religion d'Allah, tandis que le mécréant s'oppose à la vérité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوذَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple quoi que ce soit qu'il s'agisse d'un simple moustique ou quoi que ce soit au-dessus de lui. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit là de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Mais quant à ceux qui mécroient, ils s'interrogent en disant « Qu'a voulu dire Allah par un tel exemple ?» Allah égare par cela de nombreuses personnes et en guide de nombreux autres, mais il n'égare par cela que les pervers. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui disent « Quel est celui d'entre vous dont elle a fait augmenter la foi ?» Quant aux croyants, elle a fait certainement augmenter leur foi et ils s'en réjouissent. Mais quant à ceux dont les cœurs sont malades, elle ajoute une souillure à leur souillure et ils mourront dans la mécréance. Ne voit-il pas qu'ils sont éprouvés chaque année, une ou deux fois? Malgré cela, ils ne se repentent pas ni ne réfléchissent. Et quand une sourate est révélée, ils se regardent les uns les autres et se disent « Y aurait-il quelqu'un qui vous voit ?» Puis ils se détournent. Allah a détourné leur cœur, car ce sont des gens qui ne comprennent pas. Voilà donc ce qui différencie le musulman du mécréant. Le musulman se soumet à la vérité, tandis que le mécréant se rebelle face à elle et la contredit. Donc quiconque contredit la vérité et s'en éloigne suit alors la tradition des mécréants parmi les juifs, les chrétiens ainsi que les polythéistes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Et si nous faisions descendre les anges vers eux et que les morts leur parleraient, et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient que si Allah veut, mais la plupart d'entre eux ignorent. Et tu te dois de te soumettre à Allah jusqu'à ce que tu aies totalement confiance en lui et que tu t'en remettes entièrement à lui. Et Allah a promis aux croyants que le faux sera écarté par la vérité. Et c'est lui qui a dit subhanahu wa ta'ala « بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغْهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. Bien au contraire, nous lançons la vérité contre le faux, qui l'anéantit, et le voilà qui disparaît. Et malheur à vous pour ce que vous attribuez injustement à Allah. Et c'est lui aussi qui a dit وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Et dit la vérité est venue, et le faux est disparu. Certes, le faux est destiné à disparaître. Et c'est lui aussi qui a dit, subhanahu wa ta'ala, وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَا قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّ نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَهُ وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. Et les magiciens vinrent à Pharaon en disant, y aura-t-il une récompense pour nous si nous sommes les vainqueurs? Il dit oui, et vous serez certainement partis de mes rapprochés. Ils dirent, ô Moussa, soit tu jettes ton bâton le premier, ou bien nous serons les premiers à jeter les nôtres. Il dit, jetez donc les premiers. Et lorsqu'ils eurent jeté leur bâton, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les effrayèrent, et vinrent avec une puissante magie. Puis nous révélâmes à Moussa, jette ton bâton, et voilà que celui-ci se mit à engloutir tout ce qu'ils avaient fabriqué. Ainsi la vérité se manifesta, et ce qu'ils fabriquèrent fut vain. Ils furent ainsi battus et se trouvèrent humiliés, puis les magiciens se jetèrent prosternés. Donc ne crains pas les vaines ambiguïtés et le grand nombre de ses partisans. Ne crains pas non plus la provocation du faux et son retentissement, ainsi que sa violence sur terre, car tu es certes mis à l'épreuve, de sorte que tu le repousses et que tu y répliques avec ta langue et ta main, selon tes capacités. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Et ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux. Nous les avons créés tous les deux, qu'en toute vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Et nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre vainement. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur donc à ceux qui ont mécru par le feu qui les attend. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit, هُوَ الَّذِي جَعْلَ الشَّمْسَ ضِيَاءَ وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose ainsi les signes pour les gens doués de savoir. Allah n'a donc créé cet univers que pour que la vérité soit établie, et il lui a assujetti des personnes qui la défendent, qui la font triompher, et qui sont prêts à tout pour la protéger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne cessera d'exister sur terre un groupe de gens parmi ma communauté qui sera sur la vérité. Ceux qui s'opposeront à eux ne leur feront aucun tort, ni ceux qui les délaisseront, et ceci jusqu'à la fin des temps, alors qu'ils seront toujours dans le même état. Ce récit expose donc que ce groupe de gens auront affaire à des personnes qui s'opposeront à eux et qui les abandonneront, mais cela ne leur causera aucun tort si Allah le veut. Ceci est une promesse du Seigneur des mondes, et Allah a certes promis l'affront à quiconque s'opposera à la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Et si tu les voyais, lorsqu'ils seront placés devant le feu de l'enfer, ils diront alors, hélas, si nous pouvions être renvoyés sur la terre, nous ne traiterions plus de mensonges versés notre Seigneur, et nous serions certes du nombre des croyants. Mais non, voilà que leur apparaîtra ce qu'auparavant ils cachaient. Or s'ils étaient renvoyés à la vie terrestre, ils recommenceraient très certainement à faire ce qui leur était interdit. Ce sont vraiment des menteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِنَا تَسْتَكْبِرُونَ. Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah et qui dit « Une révélation a été faite, alors rien ne lui a été révélé. » De même que celui qui dit « Je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre. » Si tu voyais les injustes lorsqu'ils subiront les affres de la mort et que les anges leur tendront leurs mains en disant « Faites sortir vos âmes, aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. » C'est ainsi qu'Allah méprisera le jour de la résurrection quiconque se sera opposé à la vérité et il le récompensera d'un châtiment avilissant pour s'être enorgueilli face à Allah à tort. Allah a certes pris notre engagement, ô les musulmans, de dire la vérité, fût-elle amère. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سَرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Et dit, la vérité émane de votre Seigneur, ainsi quiconque souhaite croire, qu'il croit, et quiconque ne le souhaite pas, qu'il mécroit. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cerneront, et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu, brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure! Ainsi Allah a pris de nous l'engagement et le serment de ne dire que la vérité selon notre capacité, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Et lorsqu'Allah prit de ceux auxquels le livre a été donné, les juifs et les chrétiens, cet engagement, exposez-le aux gens et ne le gâchez pas, mais ils le jetèrent derrière leur dos et le vendirent à vil prix. Quel mauvais commerce ils ont fait! Et Allah a blâmé les gens du livre, les juifs et les chrétiens, pour avoir rejeté la vérité, et pour ne pas l'avoir déclarée, et pour s'en être écartés. Et quel mauvais commerce ils font! Ainsi ils troquent la vérité à vil prix, et ils vendent, et ils achètent sur le compte de leur religion. Allah les a alors blâmés, humiliés, et il les a maudits pour cet acte. Allah subhanahu wa ta'ala a dit... لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Ceux parmi les enfants d'Israël, les juifs et les chrétiens qui ne croyaient pas ont été maudits de la bouche de Daoud et de Isa ibn Maryam à cause de leur désobéissance et de leur transgression. Ils ne se blâmaient pas les uns les autres lorsqu'ils commettaient l'interdit, comme est certes mauvais ce qu'ils faisaient. Et parmi les choses au sujet desquels Allah avait certes pris l'engagement de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait qu'ils disent la vérité, quand bien même celle-ci serait amère. Et dans le recueil du récit Sunan al-Darimi, avec une chaîne de transmission authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de gouverneur d'un peuple sans qu'il ne se présentera le jour de la résurrection, ses mains nouées à son cou. Soit elles se détacheront de lui grâce à son équité, ou soit elles le feront périr à cause de son injustice. Les gens se présenteront ainsi le jour de la résurrection, chacun attaché à la vérité qu'il disait, croyait et suivait. Et il est obligatoire aux musulmans d'observer la vérité et de la faire triompher où qu'il soit, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. Dit, y a-t-il parmi vos associés quelqu'un qui guide vers la vérité? Dit, c'est Allah qui guide vers la vérité. Celui qui guide vers la vérité, n'est-il pas plus digne d'être suivi? Ou bien est-ce celui qui se dirige qu'autant qu'il est lui-même dirigé? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous ainsi? Et quant à celui qui guide les gens à la vérité et les y appelle, il est obligatoire aux gens de prendre de lui les preuves qu'il aura avancées. Et il est aussi obligatoire pour eux de suivre la vérité avec laquelle il sera venu, avec clairvoyance et clarté, non avec fanatisme et suivi aveugle. Et pour quelle raison les gens sont-ils devenus aujourd'hui tels qu'ils ne comprennent pas la vérité, ni ne la déclarent? Parce que les gens de nos jours détournent leur regard de la vérité et ferment leurs yeux dessus. Et ils polémiquent à son sujet, après qu'elle aurait été exposée, même parmi les musulmans, jusqu'à ce qu'Allah les éduque. Il a ainsi dit subhanahu wa ta'ala, يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبدل الباطل ولو كره المجرمون. Il polémique avec toi au sujet de la vérité, après qu'elle fut clairement apparue, comme si on les poussait vers la mort alors qu'ils la voyaient. Et rappelez-vous, lorsqu'Allah vous promettait qu'une des deux factions sera à vous, et vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes, alors qu'Allah voulait par ses paroles faire triompher la vérité et anéantir les mécréants. Cela afin qu'ils fassent triompher la vérité et anéantir le faux, en dépit de la répulsion qu'avaient les criminels. J'ai voulu évoquer ces preuves concernant l'établissement de la vérité et sa déclaration, et aussi exposer qu'Allah fait triompher les gens de la vérité parmi les gens du monothéisme, al-tawhid, et les gens de la droiture. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnera l'autorité sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il leur donnera force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il remplacera leur ancienne peur en sécurité. Il m'adore et ne m'associe rien. Et celui qui m'écroira par la suite, ce seront ceux-là les pervers. C'est là une promesse du Seigneur des mondes, et les promesses divines sont les plus véridiques des promesses. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole. Et il a aussi dit Azza wa Jalla: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Et qui est plus véridique qu'Allah en récit. Quiconque est sur la vérité, alors Allah lui donne la victoire et le soutien. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Ceux qui ont mécru et obstrué les chemins d'Allah, Allah a rendu leur œuvre vaine, tandis que ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres et auront cru en ce qui a été descendu sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceci est la vérité émanant de leur Seigneur, il leur effacera leurs méfaits et améliorera leur état. Ceci car ils ont suivi la vérité, leurs péchés leur seront ainsi pardonnés, leurs mauvaises actions seront mises de côté et leur état sera ainsi amélioré, si Allah le veut. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Et Allah soutient certainement ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Ceci est la promesse d'Allah. Alors aie confiance en lui et sache que si tu n'auras parlé que peu, alors Allah subhanahu wa ta'ala grandira des paroles. Et si tu auras été méprisable auprès des gens, alors Allah te rendra respectable ainsi que tes paroles. Et il te fera honneur de même qu'à tes paroles. Le torrent envahissant, vaste et plein d'écume, ainsi que l'adversité ont frappé fort ces derniers temps sur les gens de la Sunna, et ils se rassemblent et se disent à leur sujet beaucoup de paroles mensongères. Le mensonge est certes dressé sur eux de toutes parts, que cela soit par la parole ou les actes, mais aussi par la ruse ou la malice. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ils complotèrent, mais Allah fait échouer leur complot, et Allah est le meilleur en stratagème. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit certainement. Allah réalise son décret, et il a assigné une mesure à chaque chose. Et il a dit Azza wa Jalla: وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Et il a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Et il a dit subhanahu wa ta'ala: وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُوا رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et combien de bêtes ne se chargent point de pourvoir à leurs besoins? C'est Allah qui pourvoit à leurs besoins ainsi qu'aux vôtres, et c'est lui l'audient, l'omniscient. Le point important qu'il faut que tu saches, et auquel il faut que tu aies la ferme conviction, est que tu dois suivre le Coran et la Sunna, et que tu ne dois pas contredire ni t'opposer à la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans les petites actions ou les grandes. Et aussi que tu dois mettre en application ce que tu as appris selon tes capacités. En conséquence de quoi, Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera et t'honorera, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Or c'est en Allah qu'est la puissance, ainsi qu'en son messager et aux croyants. Et il a aussi dit subhanahu wa ta'ala: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةُ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. Quiconque veut la puissance, et bien la puissance tout entière est en Allah. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes ainsi que contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne peut être égaré et celui qui l'égare ne peut être guidé. Serviteurs d'Allah, Allah certes avilit l'orgueil et ceux qui s'enorgueillissent, car l'orgueil est une des caractéristiques d'Al-Malik, le roi, d'Al-Quddus, le très saint, d'Al-Salam, la paix, d'Al-Mu'min, le fidèle, d'Al-Muhaymin, le dominateur, d'Al-Aziz, le puissant, d'Al-Jabbar, celui qui impose, et d'Al-Mutakabbir, l'orgueilleux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme il est mentionné dans le récit Qudsi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, la puissance est ma cape, et l'orgueil est mon manteau. Donc quiconque me conteste au sujet de l'une de ces deux choses, je le châtirai. Et il n'y a pas plus grand orgueil, ni plus grande injustice, après le polythéisme, chez l'être humain, que de rejeter la vérité, après qu'elle lui ait été clarifiée et exposée, argumentée de preuves religieuses. Certes, le cramponnage au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une vérité qui a été commandée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu » et cramponnez-vous tous ensemble à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Certes, la division sur l'innovation et le sectarisme est un égarement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Famadha ba'da al-haqq illa al-dhalal fa'anna tusrafoun » Qu'y a-t-il donc au-delà de la vérité sinon l'égarement? Comment alors pouvez-vous vous en détourner? C'est ainsi qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous commande de s'attacher fermement à ce livre, le Coran, et nous interdit de se détourner vers nos ennemis, les mécréants, et nous interdit de nous diviser, de même de leur ressembler comme Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Par Allah, certes, celui qui empêche et divise les gens de la sunna, la tradition prophétique, d'avancer sur ce chemin, n'est utile en rien à la religion. Crois-le, cela est bien connu que quiconque fait obstacle à l'accès à ce chemin bien droit qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, cette corde solide n'est pas utile à la religion. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا et cramponnez-vous tous ensemble à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Donc toute chose qui aura été introduite dans la religion d'Allah et qui n'en fait pas partie est vouée à disparaître, et il n'est en aucun cas bénéfique à l'islam. Il n'a rien à voir en quoi que ce soit avec Allah subhanahu wa ta'ala, et rien auprès d'Allah n'est en relation avec lui. Qu'y a-t-il donc après la vérité si ce n'est l'égarement? Il n'y a pas plus grave que de mépriser la vérité et de s'enfler d'orgueil face à elle, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ne rentrera pas au paradis celui qui aura eu dans son cœur ne serait-ce qu'un atome d'orgueil. Un homme dit alors, l'homme aime s'habiller avec de beaux habits ainsi que de belles sandales. Il répondit alors, certes Allah est beau et aime la beauté, et l'orgueil est le fait d'être arrogant face à la vérité et de dénigrer les gens. Donc accepterais-tu d'être orgueilleux et d'être ainsi ressuscité le jour de la résurrection à l'image d'une chose insignifiante, d'être l'endroit sur lequel les pieds des mécréants et des gens du feu seront posés, comme cela a été rapporté dans le récit de Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu? Ceci est un outrage venant de celui qui se sera enorgueilli face à la vérité et l'aura rejeté, et il sera le jour de la résurrection dans le feu de l'enfer. Il n'y aura pour lui aucune autre issue s'il aura rejeté la vérité après l'avoir su et qu'elle lui ait été clarifiée et exposée devant lui. Que cette vérité concernait le monothéisme, al-tawhid, ou l'associationnisme, al-shirk, ou d'autres choses encore. Tout cela, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le récit de Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le paradis et l'enfer ont protesté. L'enfer a dit, il y a en mon sein les vaniteux et les orgueilleux. Et le paradis a dit, il y a en mon sein les faibles parmi les gens et les pauvres. Allah jugera ainsi entre les deux et dira, toi le paradis, tu es ma miséricorde, par toi je fais miséricorde à qui je veux, et toi l'enfer, tu es mon châtiment, par toi je châtie qui je veux, et à tous les deux, il m'incombe de vous remplir. Alors où seront les arrogants? Ils seront en enfer d'après ce récit. Et Allah Azza wa Jalla a dit, Alaysa bi jahannam mathwa lil mutakabbirin, n'est-ce pas en enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux? Bien évidemment par Allah, cela est la vérité, et vous n'y échapperez pas. Il y a en enfer de l'espace, une demeure et un lieu de séjour éternel pour les orgueilleux, ceux qui s'opposent à la vérité et s'entêtent après qu'elle lui ait été clarifiée. Combien de gens à notre époque, à qui tu dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et tu leur évoques un récit ou un verset du Coran, et qui lui se détourne vers les soi-disant facilités juridiques émises par des pauvres ignorants qu'ils agréent en s'y contentant, que cela concerne le dogme islamique ou les sectes ou d'autres domaines encore religieux. Donc méfie-toi aux serviteurs d'Allah, fais attention et garde-toi de t'opposer à la vérité, car quiconque contredit la vérité mécroit en elle ou la déteste goûtera au châtiment et entrera dans le feu, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Et le jour où seront présentés au feu ceux qui auront mécru, il leur sera dit, ceci n'est-il pas la vérité? Ils diront, bien sûr que si, par notre Seigneur. Il dira, alors eh bien goûtez le châtiment pour votre mécréance. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, وَنَادَوْ يَا مَالِكَ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. Et ils crieront en disant à Malik, l'ange gardien de l'enfer, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Il dira, vous y demeurerez pour l'éternité. Nous étions certes venus à vous avec la vérité, mais la plupart d'entre vous détestaient la vérité. Regardez donc ce genre de personne qui entrera au feu. La cause de sa mécréance et de son entrée au feu sera sa répulsion à l'encontre de la vérité. Donc celui qui déteste la vérité ou s'en écarte, quel qu'il soit, sera certainement exposé au châtiment d'Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin.